Ma mémoire est dans l'os qu'un chien a déterré. J'étais encore un gosse quand vos ennemis m'ont tué. C'était un gros obus, un missile guidé. Il a tout confondu, il a tout emporté. Je ne suis plus qu'un os. Messieurs, messieurs les députés, je ne suis plus qu'un os. Un os qui a voté. Tout autour de cet os, il y avait un corps bien fait et un amour précoce et un avenir discret. Je croyais en la vie que maman m'a donnée. Je croyais en l'ennemi que j'ai assassiné. Je ne suis plus qu'un os. Messieurs, messieurs les députés, je ne suis plus qu'un os. Un os qui a voté. J'ai tué femmes et enfants au nom de votre liberté. Conquis les océans, envahi les contrées, jusqu'à ce jour béni du joli mois de mai, où ma belle ennemie m'a porté la paix. Je ne suis plus qu'un os. Messieurs, messieurs les députés, je ne suis plus qu'un os. Un os qui a voté. Moi j'en appelle aux os. Os de tous les pays. Unissez-vous les gosses. Leur fric est notre ennemi. La guerre n'est pas à nous. Elle est à ces menteurs qui s'amusent avec nous jusqu'à nous faire peur. Je ne suis plus qu'un os. Messieurs, messieurs les députés, je ne suis plus qu'un os. Un os qui a voté. Je ne suis plus qu'un os. Messieurs les députés, je ne suis plus qu'un os. Un os qui a parlé. Un os qui a parlé.